sourire au coin de tes lèvres. Avec ton regard comme empli de fièvre, tu sembles sorti des mains d'un orfèvre. Et je ne peux que t'aimer, mon amour. Avec dans ton cœur des points vulnérables, avec les fureurs dont tu es capable, tu es tour à tour l'ange ou bien le diable qui vient troubler mes nuits et mes jours. Ceux qui disent des sottises et prédisent notre échec, je les ignore et t'adore plus encore avec tes façons de fille à la page, avec tes curieux écarts de langage. Le peu de printemps que compte ton âge, je voudrais bien te garder toujours. Avec dans ta tête un grain de folie, avec dans ton corps le goût de la vie, j'ai trouvé en toi toute une harmonie. Et je ne peux que t'aimer, mon amour. Avec ta pudeur mêlée d'indécence, avec ta candeur frôlant l'inconscience, ta maturité si près de l'enfance, je voudrais bien te garder toujours. Avec tes chagrins, tes éclats de voix, ton rire enfantin, ta manière à toi de parler soudain de n'importe quoi et qui vont si bien avec toi.